et de respecter le verdict des urnes. Dans une déclaration de ce parti de ce lundi, Kefani Bizi, président de ce parti, précise que de petites irrégularités qui ont surgi au cours des élections référendaires du 17 mai courant ont trouvé des solutions immédiates. Toutefois, il se dit satisfait du déroulement de ce scrutin. Et sur la page Culture, le 21 mai de chaque année, le monde célèbre la journée internationale dédiée à la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO affirment que la diversité culturelle ne constitue pas en soi le facteur de la paix et du progrès. Audrey Azoulay, directrice générale de cette organisation, estime que cette diversité culturelle nécessite l'apprentissage de l'altérité, l'aptitude de décentrement et au dialogue, ainsi que la reconnaissance de la valeur que contient chaque culture afin d'atteindre le développement. Pour rappel, la Journée internationale de la diversité culturelle est célébrée depuis le 21 mai 2001. Retour un peu sur la page humanitaire pour vous parler de plus de 400 victimes des inondations de Kiang 1 en zone Buterere de la commune urbaine de Naharangwa qui demandent une aide constituée de tentes pour aller s'installer dans leurs parcelles en attendant la reconstruction de leur maison. Ces derniers expliquent qu'ils éprouvent beaucoup de difficultés dans des lieux de regroupement. Le chef de quartier Kiang 1, Patrice Sibomana, indique avoir soumis cette question aux bienfaiteurs. Les détails, c'est dans ce reportage signé Évariste Nzikobanyanga. Cette femme est l'une des victimes des inondations du mois d'avril, regroupée dans des tentes construites d'ici et là au quartier Kiang 1. Faisant face à d'énormes difficultés, ces derniers demandent une aide d'urgence constituée de shitting pour se relocaliser dans leurs parcelles respectives. À part ça, ces familles contraintes de quitter ce quartier inondé sollicitent une main forte pour la reconstruction de leur maison et l'octroi des tôles pour les couvrir, ainsi que le matériel scolaire pour leurs enfants écoliers. Cela étant, certaines des familles victimes sont en train de fabriquer des briques. Ces dernières demandent aussi d'assistance pour pouvoir reconstruire leur maison. Le chef de quartier Kiang 1 indique avoir soumis les doléances de sa population à l'endroit des bienfaiteurs. Patrice Sibomana tranquillise. Plus de 418 ménages de Kiang 1 ne sont pas dans leur ménage à cause de la rivière Mutimbuzi qui a débordé ses rives, inondant différents quartiers de la zone Buterere. Merci Évariste Nzikobanyanga. Sur la page sport, l'équipe nationale burundaise de football de moins de 20 ans va continuer de jouer les matchs éliminatoires des pays qui participeront l'année prochaine au Niger dans la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans. C'est après avoir battu ce dimanche la formation soudanaise sur un score de 2-0 dans un match retour. Sur l'agenda du mois de juillet, le Burundi croisera le fer avec la Zambie. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Sur la page internationale, nous allons vous parler au Sénégal de la grève qui continue dans les universités publiques du pays malgré le limogeage de deux responsables de l'université par le président Macky Sall. En République démocratique du Congo, le gouvernement a annoncé le démarrage ce lundi d'une campagne de vaccination contre le virus Ebola. Celle-ci se déroulera dans la province de l'Équateur, au nord-ouest de la RDC, et ciblera près de 600 personnes ayant eu contact direct ou indirect avec la maladie. Et aux États-Unis, l'affrontement entre Donald Trump et le FBI, Bureau fédéral de l'investigation, prend encore une nouvelle dimension. Dans un tweet, le président américain a exigé qu'une enquête soit ouverte sur une potentielle infiltration de sa campagne électorale. Naomi Nitegeka pour les détails. Les étudiants dans les universités publiques du Sénégal sont en grève depuis la mort mardi de l'un de leurs à l'université Gaston Berger, UBG de Saint-Louis. Au cours de confrontations avec les gendarmes, le recteur et le directeur des centres des œuvres de l'IGB ont été limogés par le président Macky Sall et remplacés samedi. Ce sont des mesures conservatoires devant permettre aux étudiants de retourner dans l'amphithéâtre, a-t-il déclaré le porte-parole du gouvernement Seydou Gueye sur la télévision nationale. L'enjeu de retourner à l'université et de régler les problèmes par la démarche syndicale. Les étudiants auront l'intelligence pour comprendre la situation et ne pas se laisser piéger par les marchands d'illusions. Cette vaccination visera en premier lieu le personnel de santé, les contacts des malades et les contacts des contacts, a déclaré à la télévision d'État Flori Kabangé Numbi, porte-parole par intérim du gouvernement. Environ 300 000 doses d'un vaccin expérimentales ont été promises par des partenaires pour cette opération dont la durée n'a pas été déterminée, a-t-il indiqué. Le gouvernement, de son côté, réaffirme avoir déjà reçu 5 400 doses du vaccin contre l'Ebola. Le gouvernement congolais s'est par ailleurs opposé à d'éventuelles mesures d'isolement contre la RDC, exprimant sa pleine satisfaction de la qualité et de la rapidité de la riposte. Selon la RFI, Trump veut enquêter sur l'infiltration supposée de sa campagne par la FBI. Il dénonce ainsi une scandaleuse manipulation politique dirigée par l'administration de Barack Obama, son prédécesseur. Mais cette initiative pose de sérieux problèmes quant à la séparation des pouvoirs. Intervient alors que des nouvelles révélations alimentent encore des doutes quant à des possibles ingérence étrangère durant la campagne par la Russie, mais aussi peut-être par Israël, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Nous disons merci à Naomi Nitegeka pour ce tour de l'actualité internationale. C'est sur cette même actualité internationale que nous bouclons ce journal. Mais avant de vous quitter, le rappel des titres. Un malfaiteur jusqu'ici non identifié a blessé hier par balle le curé de la paroisse Nyamihanga. Nous sommes en province Mwaro. Il était dans son salon car l'agresseur l'a tiré dessus. Et le concours national est programmé du 5 au 7 juin prochain. Près de 100 000 écoliers sont attendus pour passer cette sélection et plus de 400 victimes des inondations qui ont frappé le quartier Kiang 1 en zone Boutelele réclament des tentes pour s'abriter. Ils disent que c'est ce dont ils ont besoin pour aller s'installer dans leur parcelle. À 13h10, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.